Chant numéro 26. Tu peux t'enorgueillir de tant d'éclat, Florence, car ton nom sonne haut par terre et sur la mer, et se répand encore jusqu'au fond de l'enfer. En effet, j'ai trouvé cinq de tes citoyens parmi tous ces voleurs, à ma très grande honte. Et toi-même, en peux-tu tirer beaucoup d'honneur? Mais si les songes faits à l'heure ou à l'aube pointent sont vrais, tu sentiras sans doute avant longtemps tout le mal qu'on te veut, pas plus loin qu'à Prato. S'il vient, il ne saurait te surprendre trop tôt. Et puisqu'il doit venir, qu'il vienne donc plus vite, car plus je deviens vieux, plus il doit m'en coûter. Nous partîmes ensuite, en profitant des roches qui nous avaient servi de marche pour descendre, et mon guide, en montant, me tirait après lui. Ainsi, suivant toujours le chemin solitaire, parmi tous les débris et les saillants du pont, le pied n'avançait pas sans s'aider de la main. J'avais bien peur alors, mais je l'ai davantage maintenant que je pense à tout ce que j'ai vu. Je freine mon esprit plus qu'à mon ordinaire, et je ne veux sortir du chemin de vertu pour que, si mon étoile ou quelqu'un de meilleur m'a découvert le bien, j'en fasse un bon usage. Car, comme le vilain couché sur la colline, pendant cette saison où le flambeau du monde nous cache moins longtemps l'aspect de son visage, à l'heure où fuit la mouche et paraît le moustique, voit un nombre infini de vers luisants au fond du vallon, où peut-être il laboure ou vendange, tel je vis briller au huitième giron des flammèches sans nombre, aussitôt que je vins à l'endroit où la vue arrivait jusqu'au fond. Et tout comme celui que les ours ont vengé au moment du départ, dut voir le char d'Élie lorsqu'il fut emporté par ses chevaux au ciel, en sorte que les yeux le suivaient sans pouvoir rien distinguer de plus qu'une boule de feu qui montait dans les airs comme un petit nuage, tels s'agitaient ces feux sur le fond de la fosse, sans que l'on pût de loin distinguer leur noyau. Et chaque flamme était la prison d'un pêcheur. Je les examinai du haut de la jetée et me penchai sur elles au bord d'une saillie, sans quoi j'aurais bien pu tomber sans qu'on me pousse. Mon guide, cependant, me voyant absorbé, m'expliqua. Ces pêcheurs sont au sein de ces feux, chacun enveloppé des flammes qui le brûlent. Maître, lui dis-je alors, ce que tu viens de dire confirme mes soupçons, car j'avais cru comprendre ce que c'était. Pourtant, j'allais te demander qui vient dans ces feux-là, qu'on voit se fendre en deux par le haut, et qui semble échapper du bûcher qui reçut à la fois Éthéocle et son frère. Il répondit alors. On punit là-dedans Ulysse et Diomède. Ils restent réunis par leur commune faute et par leur châtiment. Ils pleurent tous les deux dans cette double flamme, l'astuce du cheval qui fraya le chemin par où vint des Romains le généreux ancêtre. Ils pleurent l'artifice auquel Déidamie doit de verser toujours des larmes pour Achille, et le palladium qu'ils avaient dérobé. S'ils peuvent, dis-je alors, du milieu de leurs flammes entendre nos discours, ô maître, je t'en prie, et que cette prière ait la force de mille. Laisse-moi m'arrêter un peu dans cet endroit, afin d'attendre ici cette flamme cornue. Tu vois que le désir me pousse fort vers elle. Il répondit alors. Ta demande mérite l'éloge le plus grand, aussi je l'autorise. Il faudra cependant t'abstenir de parler. Je vais les aborder pour toi, car j'ai compris ce que tu veux savoir, et ce sont là des Grecs qui pourraient mépriser ta façon de parler. Ainsi, lorsque la flamme arriva près de nous et que mon guide crut le moment favorable, je l'entendis enfin leur tenir ce discours. Ô vous, qui venez deux au sein d'un même feu, si j'ai gardé des droits sur vous de mon vivant, si j'ai gardé des droits sur vous, beaucoup ou peu, en écrivant là-haut cet illustre poème, ne vous éloignez pas. Que l'un de vous nous dise en quel lieu, se perdant, il fut chercher la mort. Le sommet le plus haut de cette vieille flamme se mit à s'agiter tout à coup, murmurant comme si la tempête eût tourmenté sa pointe. Ensuite, en promenant de ça de là son faîte, à l'instar d'une langue essayant de parler, il émit une voix que l'on entendait dire. Ayant abandonné Circé, qui plus d'un an me retint dans ses raies, là-bas, près de Gaète, qui n'avait pas ce nom imposé par Énée, ni le très grand amour que j'avais pour mon fils, ni l'amour filial, ni la foi conjugale qui devait rendre heureux le cœur de Pénélope n'ont été suffisants pour vaincre en moi la soif que j'avais de savoir tous les secrets du monde, tous les vices de l'homme, ainsi que ses vertus. Je repris donc la mer et partis vers le large, avec un seul navire et la petite troupe qui n'avait pas voulu m'abandonner alors. J'ai couru les deux bords jusqu'au bout de l'Espagne, la côte du Maroc et l'île de Sardaigne, et les autres pays qu'entourent cette mer. Mes compagnons et moi, nous étions vieux, et là, au moment d'arriver à cet étroit passage qu'Hercule autant jadis signala de ses bornes, pour dire que personne au-delà ne s'avance. Nous avions dépassé Séville à notre droite, après avoir laissé Ceuta sur notre gauche. « Mes frères, dis-je alors, après 100 000 écueils, nous voici parvenus au bout de l'Occident. » Mais ce bref lumignon du soir de notre vie, mais ce souffle dernier qui nous demeure encore, pourront-ils reculer devant la découverte qui nous attend à l'ouest du monde sans humain? Considérez plutôt vos nobles origines, car vous n'êtes pas faits à l'image des bêtes, mais conçus pour aimer la science et le bien. J'avais par ce discours rendu mes compagnons tellement désireux de me suivre partout que je n'aurais plus su comment les retenir. Tournant la poupe alors du côté du matin, pour notre vol de fou, les rames furent telles, et nous voguions à l'ouest en prenant sur la gauche. Déjà la nuit venait nous montrer les étoiles d'un pôle différent, le nôtre étant si bas qu'il ne surgissait plus des profondeurs de l'eau. 5 fois s'est allumée et 5 fois s'est éteinte la face de la lune où l'on voit la lumière, depuis que nous glissions sur l'immense océan. Lorsque sur l'horizon nous avons aperçu un grand mont noir au loin, qui paraissait plus haut que toutes les hauteurs que j'avais déjà vues. Nous criâmes de joie et bientôt de douleur, car un orage vint de la Terre Nouvelle et s'abattit soudain sur l'avant de la nef. Il la fit tournoyer 3 fois sur l'eau mouvante. À la 4e fois, il souleva la poupe, comme un autre voulait, submergeant notre proue, jusqu'à ce que la mer se refermât sur nous.